Les enfants, entendant cette roue et ce pas, se tournèrent, bruyants, et virent la charrette. « Ne mets pas le pavé sur le crapaud, arrête !» crièrent-ils. « Vois-tu, la voiture redescend et va passer dessus, c'est bien plus amusant !» Tous regardaient. Soudain, avançant dans l'ornière où le monstre attendait sa torture dernière, l'âne vit le crapaud et, triste, hélas, penché sur un plus triste, lourd, rompu, morne, écorché, il sembla le flairer avec sa tête basse. Ce forçat, ce damné, ce patient fit grâce. Il rassembla sa force éteinte et, roidissant sa chaîne et son licou sur ses muscles en sang, résistant à l'ânier qui lui criait « Avance !» maîtrisant du fardeau l'affreuse connivence, avec sa lassitude acceptant le combat, tirant le chariot et soulevant le bât, hagard, il détourna la roue inexorable, laissant derrière lui vivre ce misérable. Puis, sous un coup de fouet, il reprit son chemin. Alors, lâchant la pierre échappée à sa main, un des enfants, celui qui conte cette histoire, sous la voûte infinie à la fois bleue et noire, entendit une voix qui lui disait: « Sois bon !»